disent que dans nos paliers, l'odeur est hardcore. Ils disent que dans les transports, nos darons parlent fort. Ils disent qu'on sait rien faire sans se planter et qu'on pense qu'à glander. Ils disent qu'on est des glandés sans plan B. Ils disent qu'on a les crocs fils. Ils disent vous allez trop vite. Ils disent vous allez croupir en tôle. Vous avez le profil. Ils disent qu'on a des sales gueules, des sales ganaches. Et que dans nos fêtes, ils savent que ça canard. Vu qu'il y a que des sales thugs, ils comprennent pas notre âge. Le bateau fait naufrage. Ils disent que notre race est bizarre, que c'est bizarre qu'on fasse pas notre âge. Ils disent que les petits en bas sont niqués et que c'est des ouf. Et pour nous imiter, ils mettent des mitaines à la place des moufs. Ils disent qu'on survit dans un milieu hostile. Et qu'en cas d'accident, on ne survit pas dans une mini Austin. Ils disent qu'ils vont changer ma zik et changer la strip. Ils disent que nos vies c'est des sauts en élastique, mais sans élastique. Ils disent que nos buts c'est des pointards. Moi je vais mettre bien la daronne, des commentaires près du daron. Point barre. Tellement juste. Putain, que des chances inégales, des coups de boule, ils disent partout que France, Sénégal, c'était un coup de bol. Ils disent qu'ils nous ont pas loupé, que peu d'avocats s'appellent Canouté et qu'on est devenu ce qu'ils croyaient qu'on était. Ils disent qu'ils ont Renault de peau, ils se prennent pour des dermatos. Dans nos tours, on préfère tous faire de la tôle que faire maton. Ils disent qu'on chôme tous planqués comme Ben Laden et que dans la zone, quand c'est la dèche, on se fout des pièges jaunes de Bernadette. Ils disent des trucs de B, j'ai honte de répéter. Ils disent dans nos cités, Harry Potter se faire inquiéter. Ils disent arrêter, se plaindre que la France est tolérante. Commenter sur le prix de nos baskets pour pas choquer les rampes. Ils disent que le rap c'est eux, que Dieu les pardonne. Ils disent que je serai personne tant que je serai pas dans leur top album. J'ai voulu mettre au monde un album, mais on me stipule que c'est dead. Putain, mec, ma carrière prend la pilule. Ils disent tellement juste. C'est rien faire, à part artiste ou leur dit. Ils disent qu'on a perdu le titre, ils ont l'arbitre dans leur team. Ils disent qu'on est des haineux, quoi on t'a trop hétéro. Ils disent qu'on rentre pas dans leur boîte, nous on fait trop hétéro. Ils disent que c'est dead, y'a plus d'aide, plus d'Eldorado. Ils disent qu'on rêve peut-être, mais ceux qui rêvent d'or, d'or en taux. Ils disent qu'on en a pas marre de voir nos mères entrer du taf, en zi, entre deux tafs. Ils disent que notre plan prend du retard. Ils disent qu'on fait les cons, ils disent qu'on fout tout en l'air en discount. Ils disent qu'on n'arrive jamais entier ou à l'heure. Ils disent dans nos calendriers, aucune trace de Noël, mec. Ils disent qu'il y a des pitbulls dans notre arche de Noé. Ils disent qu'en amitié on est des barbares, des tarbares. Et que les potes de longue date mettent des pare-balles le jour du partage. Ils disent qu'on sent la merde m'amène parce qu'on est dedans. Ils disent qu'on est pas des poètes m'amène parce qu'on est vivant. Ils disent qu'entre eux et nous y'a un décalage. Et nos parents parlent mal le français comme si eux ils parlaient lingala. Ils disent qu'on fait flipper et qu'ils sont goûtés car ils ont pas fini de flipper. Nos fils nous ressemblent comme de gouttes d'eau.